Nantas. La chambre que Nantas habitait depuis son arrivée de Marseille se trouvait au dernier étage d'une maison de la rue de Lille, à côté de l'hôtel du baron d'Anvilliers, membre du Conseil d'État. Cette maison appartenait au baron, qu'il avait fait construire sur d'anciens communs. Nantas, en se penchant, pouvait apercevoir un coin du jardin de l'hôtel, où les arbres superbes jetaient leur ombre. Au-delà, par-dessus les cimes vertes, une échappée s'ouvrait sur Paris. On voyait la Trouée de la Seine, les Tuileries, le Louvre, l'enfilade des quais, toute une mer de toitures, jusqu'au lointain perdu du Père Lachaise. C'était une étroite chambre mansardée, avec une fenêtre taillée dans les ardoises. Nantas l'avait simplement meublée d'un lit, d'une table et d'une chaise. Il était descendu là, cherchant le bon marché, décidé à camper tant qu'il n'aurait pas trouvé une situation quelconque. Le papier sali, le plafond noir, la misère et la nudité de ce cabinet où il n'y avait pas de cheminée ne le blessaient point. Depuis qu'il s'endormait, en face du Louvre des Tuileries, il se comparait à un général qui couche dans quelque misérable auberge au bord d'une route, devant la ville riche et immense qu'il doit prendre d'assaut le lendemain. L'histoire de Nantas était courte. Fils d'un maçon de Marseille, il avait commencé ses études au lycée de cette ville, poussé par l'ambitieuse tendresse de sa mère qui rêvait de faire de lui un monsieur. Les parents s'étaient saignés pour le mener jusqu'au baccalauréat. Puis, la mère étant morte, Nantas eut accepté un petit emploi chez un négociant où il traîna pendant 12 années une vie dont la monotonie l'exaspérait. Il se serait enfui 20 fois si son devoir de fils ne l'avait cloué à Marseille, près de son père, tombé d'un échafaudage et devenu impotent. Maintenant, il devait suffire à tous les besoins. Mais un soir, en rentrant, il trouva le maçon, mort, sa pipe encore chaude, à côté de lui. 3 jours plus tard, il vendait les 4 nippes du ménage et partait pour Paris avec 200 francs dans sa poche. Il y avait chez Nantas une ambition entêtée de fortune qu'il tenait de sa mère. C'était un garçon de décision prompte, de volonté froide. Tout jeune, il disait être une force. On avait souvent ri de lui lorsqu'il s'oubliait à faire des confidences et à répéter sa phrase favorite « Je suis une force ». Phrase qui devenait comique quand on le voyait avec sa mince redingote noire craquée aux épaules et dont les manches lui remontaient au-dessus des poignets. Peu à peu, il s'était ainsi fait une religion de la force, ne voyant qu'elle dans le monde, convaincu que les forts sont quand même les victorieux. Selon lui, il suffisait de vouloir et de pouvoir. Le reste n'avait pas d'importance.